makamu mususu ezali uyo kinzala zwa biloko kulia lia esili ba mususu ba longwe na Assemblée Nationale ba mususu ba koti na kati etc. Vous allez voir ici que ba peuple minier ne basaka ka trois: les occidentaux, les orientaux et les africains. Et puis l'église est arrivée liée au dollar makasi parce que c'est la même chose. Tango ba komi que Jésus a tambola ke likolo ya mai, est-ce que c'est une inspiration ou bien c'est un fait réel le monde et c'est les maki? D'où na ba solution mususu to banda ko proposer na ba blocage. Blocage ebele fungwa makati na prière et à l'église. Jamais. Papa, maman, au Vandi, dans le Royaume-Uni, topé aux Alandéko, dans Londres, Pesa et Sango, y a agence de fret, y a ba professionnel, y a Ngoyo, avec des diplômes universitaires au Royaume-Uni. Ben à Kinshasa, Tozan Avenue Bouburu numéro 9, Matongé 2, commune Yakalamu, référence école Monseigneur Moke, Van Ezakoyananda en Angleterre, pour na kozwa biloko pe kotinda na Kinshasa. Kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, tope biloko ya ndako mobimba. Kafret au Tindi Milishi et comme il peut bameli. Yo Ozana Nord, topé na Sud Angleterre, ben rapiso na ba numéro Oyo. Kafrex, et en Angleterre, si na Écosse. Kafrex, et ça la capé fête aérien. Pour plus d'infos, visitez notre site web na www.kafrex.com. Merci Mingi. Nalingi, ko revenir, tokota ki na politique ebele. Na actualité ndenge zalaki bo actualité oyo tozana ngo sikoyo tozango na poa penza te, ça ne sert à rien. Ya ndenge ba mususu ba longwe na Assemblée Nationale, ba mususu ba koti na kati etc. Mais nous sommes en train de préparer un dossier un peu costaud oyo tokoya nango pona ko expliquer sur le domaine politique, après renseignement bien sûr nde tokozongela. Awa nalingi ko préparer batu oyo toyibisaki bango ba blocage oyo yaka na vie na bango e utaka wapi, to suite expliquer biblique bele seka utaki mena baza posa na kuzwa ba réponse na chaque blocage ao sala nini po amona mwa changement. Mena blocage mususu etikala ki ya munene yango oyibi na tango ya MPR. Ba monaki ba grand féticheur ya mondoyo ba salaki envoûtement ya peuple congolais à travers mai oyo na lobby eza recherche cité et na sa na landaka témoignage ya Sakombi Inongo ndenge expliquaki que ba travayaka mai ya régie des eaux na komelaka mai tozo mela buzobe kotaka na kati na biso. Mususu blocage e utaka kaka na église sikozali. Bible même soki to expliquer yango comment il faut que zela yango ezana ba conseil ebele ya bato ba komaki yango okomona ke balobi maître Jésus azoloba soki olingo sambela kota na ndaku na kati ya secret sambela na secret ebele ya bato ba kota église ba komi ko ganga makamu na bango ya ndaku ayibite ke kote ya telemi pembeni na ye nani aza koyoka ye tango koyoka bandoki ebele baza na eglise. Eglise arrive elingi makele le tro na tango sikoyo bakosenga batu tosambela ganga ganga, non c'est du désordre. Tango oza koganga oza koexplike nani, parce que Nzambe aza na matoyi ya kokufa te. Nzambe acha ba kanu na ye oyo ememelaka ye badoléance, acha pe ndenge ya korepondre badoléance à travers les grands esprits. Bokanisa te ke makambo tu tolobaka ekendaka epai ya Nzambe, Nzambe azwi atraite azongisi. Eza na ba makambo ebele ezwaka solution à travers ndenge Nzambe atisala mokili. Nzambe pe tokokota na esika asala mokili, asalaka yango ye moko te, asala na ba puissance mosusu. Tokoya koexplike na ba emission mosusu ekoya. makamu mususu ezali uyoki nzala zwa biloko kulia lia esili. Makamu mususu eza diare tungi chyo mingi zwa bamba kasa ya mapela tokisa melama ayo ekati. Meoko muna bazoko zwa mutu olokola diare sali boye demo ya diare, demo ya diare nyapa ya demo de diare. Okule iloko ya mabe esepelisi estoma na yote estoma irefule. Ego senga nini? E senga ka tout simplement que on met là ba mwa tisane ezali et évacue blocana au komina yo bien. Ezana makamu mususu niveau spirituel d'ailleurs là c'est très important et c'est tritaka à travers kaka bakoko ici dit. Ça ba o ba kufa quoi. Mais au komona na église arrivé ba zoyo bisayo que makamu bakoko wana toko kende kuna te ba tu ba kufa bazana bomoi te Yesu ndaza na bomoi. C'est un discours qui n'a pas de sens. Parce que okokuta Yesu ye moko atangaka toujours bakoko na ye. Na yebisa batobele no bime soki ba yebisi bino boye. Samuel akufa kala. Saul akendeki ba sengi Samuel aye ba sololi. Botika ko rêver bande ko rangai. On a des accès le noir. Jésus est mon quoi accueilli na ngomba à se concentrer à sambeli Elina Moïse babimi bakufa kala me baye le maître Jésus a sala yango makambo basololaki aboyaki bandimio basalaki bayoka. Cela veut dire qu'il y a une possibilité de parler aux morts ba na bango musikate. Parce que dans la Bible, il y a que Jésus-Christ est mort. Il est descendu dans les séjours des morts. C'est-à-dire, à Koufi, à Kéye, Sika, Batuo, Bakoufa, Bazali, à Tei Bango. Yo, kote mouto yo, azate. Yo, kote mouto yo, kote yo, te. Bakoufi, ponanzo, to yo, mwen, to mouna bango, izate. Mais na esprit Bazali. Jésus est vivant, ce n'est pas que vous avez un accord. Il est esprit, il vit. Mais la vérité, c'est autre chose. Jésus, spirituellement Azali, Bouddha, spirituellement Azali, Krishna, spirituellement Azali, Mahomet, spirituellement Azali, Moutoutou, spirituellement Azali. Corne longwe, totikali esprit, tozali. Kaka maître Jésus, alakisa yango keba Azali. Ce qui va y côté à bino sous na église réveil que ba o mutu soka ku fesi les ate bongo tango balobaka ba ko sambisa ba ko sambisa nani mayele ezalati incarnation ezali Eli balobi Eli le prophète azala ki prophète munene o amelaki ba puissance ya Baal tout ça. Bon, ça il faut regarder hein. Pour yebi soko balingi ba kumisa ba ko loba kaka makambo ya loko na États-Unis sala ka film azo gagner Vietnam na guerre, mais na boye na solo a gagner kati. Et donc, royo ko kuta balobi au dernier moment l'esprit de Eli reviendra. Tokoti tokuti Jean-Baptiste balobi qui est celui qui crie au désert balobi c'est Eli le prophète. C'est-à-dire Eli a kenda esika oyo a yekobota malisusu molimo na ekiti na kati ya Jean-Baptiste. Et balobi pona Israël fin du monde molimo ya Eli ekoya na ya Moïse ekoya. Cela veut dire boga bo mitungisa te. Papa no ya kufi azali soko lobi akoyoka me soko azolo papa oyoka za passe bayaka koyibisa biso makamu na ndoto ubi bakoko kota na mutema ya fiston par exemple baye fiston zo biso makamu moko o sentir que rencontrer makamu za la kinango, c'est à dire ses ancêtres là ils sont là.

tango longola kizoto yo azongi bonzambe na ye. Mais dans la Bible va komi Jésus-Christ est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Est-ce que Dieu peut écrire des choses comme ça? Yeah. Nous disons non. Et donc quand nous rentrons, nous trouvons que Bible est en problème, te bisson de toi en problème. Parce que bah, livre où est la Bible, ils ont appartenir à chacun celui qui a écrit. Tu ne verras jamais un livre où on dit chapitre selon Dieu, ça n'existe pas. Ou chapitre selon Jésus, ça n'existe pas. Il n'y a que chapitre selon Jean, selon Matthieu, selon Moïse, selon Esaïe. Cela veut dire que bah, ça clair, ça ne vient pas de Dieu. Au moins que Barokuib sayo basi livre Moïse akomaki. Omoni awa bakomaki ango na Isaïe. Awa bakomi na Némi. Awa bakomi bwana boye. Mais pourquoi vous voulez dire aux gens que Nzambe nde a komi oyo? Yokasko réponse bakoko pe so tango kolande monsieur bakoyi so que c'est inspiré de Dieu. Tango yebiso bo poser une question. Vous êtes sûr que Dieu n'a inspiré que le blanc? Donc Dieu n'a pas inspiré le noir. Il a inspiré que le blanc. Il a inspiré que le juif. Vous êtes sûr? Si cela est vrai, avant Bible et Ya et Panabiso, bah tu vas y pas qu'ils embêtent. Pourquoi les gens veulent croire que Koye Banzambeza Koye Ban Jésus? C'est là qu'il y a une fausse démarche. Parce que awa na ba tribu na biso nzakomba zali nani mawenja nani la zanani mpungu tulendo zanani. C'est que on connaissait Dieu et on travaillait avec Dieu et on avait aussi l'inspiration de Dieu. Dieu n'est pas monofaçon, azala ba façon ebeli. Mais tant que comme il y a un côté noir, au boy que Nzambe Zaki Nzela Moko et Kende qui n'est pas noir. C'est là le problème. Et Timothée Zoloba, toute parole est inspirée. Tout réfléchir. Toute parole de la Bible est inspirée. Dans une seconde, Moko. Balobi, Maître Jésus marcha sur le jour. Ayebisi Pierre yope tambola yaka. Pierre ameki ko tambola lokolo ya liboso ya mibale ya misato adindi. Et puis botala très bien la Bible zaka 3 7 12. C'est comme si nombre mususu nzambe ebiangote. Tango ba komi que Jésus a tambola ke likolo ya mai. Est-ce que c'est une inspiration ou bien c'est un fait réel le monde et c'est la marque? Tango balobi que Moïse a mati na ngomba. Est-ce que c'est inspiration ou bien mataki ya solo? Makambo ebele za kuna ez inspiration te. Et ça les maki batu bazo mona. On ne peut pas appeler ça inspiration. Inspiration ko za la muke lokola oyo dave Moïse a salaki ameki ko expliquer ndenge mokile bandaki. Ça on parle de l'inspiration. Il n'a pas vécu ça, il a eu une idée. Il a été inspiré. Mais Makamusu Sunyo se Salemi, il n'y a aucune inspiration. Ça s'est fait comme ça. Et Salemaki. Tant on a Zolobawa. Okoroba, Nalandaki vraiment, Tadio Motanga Zoloba, inspiration Zalaki Makaji. Non. Natangaki, Ezalaki, Ezali. Natu Dete, Ezali. Et donc. Ce qui doit évoluer, il y a que pour Nabino, bah juste nde oyonzamba pour na ki tribu na ye nde bato yo bazwa ki parole na ye. To zonga na ba tribu ya nzambe. Balobi que Dieu est amour. Dieu est justice. Dieu est correct, Dieu est puissant. Sincèrement to réfléchir. Est-ce que un Dieu qui est amour a koki ko ponanka kaba juif a tiki monde mobimba? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est de l'amour? Alors n'attribuez pas à Dieu ce qu'il n'a pas fait. Ba juif ba komina ba romain et loko sepeli saki monte manabango ba mikumi si ba komi keza bango ora van baya e pana bino boye ba ke bazalaka boye ba ki nzambe penza bazaki ko sala. C'est là le problème avec nous les noirs. Tolingi mutoya efface yo eloko na oyo ya yo moko. Ba efface na bongo na yo, ba komo oyela yo ozi yango ya sika o attribue yango na bato mosusu. Par exemple aujourd'hui, le professeur Kinzonzi a sala plan comptable zaïrois. Ye muto a inventé kiyango pour la comptabilité zaïroise. Tiens, il y a comme un plan comptable congolais. Le nom Mundele a ziyango a commis un plan comptable OADA. A longoli combo ya Kinzonzi. A longoli combo ya RDC. Et puis, ba avocat tout. Ba juge tout, ba zaka fier ya koben OADA. OADA. C'est la même chose. Que les juifs basa komi kumisa bango et puis qui se bino te bino pe bon mi kumisa et puis komi kumisa la bango bozu yango que c'est Dieu qui dit Dieu n'est pas injuste, Dieu est amour, il fait justement des choses soleil ebimaka bo ebimaka nenge moko partout. Dieu n'a pas eu une tribu ya pona ki yayi, ça n'existe pas. Avançons, vous allez comprendre. Na moment où basa lo ba que Israël mboka oyo ya Nzambe, un Dieu puissant. Mais Égypte ezalaki na vie ya likolo. Égypte ezalaki na ba divinité. Alors que na moment wana na Palestine, parce que ezalaki pays, il y avait pas différentes divinités, même pas un oyo bayebaki bien. Baye koyebela yango wapi? Nani akoko yebisanga ile lo d'Abraham jusqu'à Jésus qui n'a pas été enseigné en Égypte? Pourquoi vous oubliez ça? Bosoko yemba na bakantiki awa Égypte mboka ya masumu, mboka ya masumu, eza ya masumu atamukete. Parfois on vous trompe facilement et vous y croyez. Bazo yemba que bana ya Israël bakendeki bakangaki bango na boumbu na Egypte. Non. Il n'était pas esclave. Kozala esclave, ko kangayo na boumbu, il y a que zala ke Egypte abimi a kei, a kangi bango a ye na makasi a komo sali sa bango misala. Boza na mayele, kaka na Bible ana ba komi ango simple ke, ba juif ba kendeki ba israelite ba kendeki po na nzala kulia. Bazalaki qui est incapable de faire ça. Ils étaient des fainéants. Si vous voulez dire que vous êtes na Sikoyo, vous avez dit que vous êtes un juif, vous êtes un juif, vous êtes un riche, c'est faux. Combien de riches sont de juifs sont riches? Vous avez croire. Ba travailler des kabbalistiques na bango mystique ya kuzwaka mbongo facilement, mais ku tsala musala ya malonga, non, les juifs ne sont pas comme ça, vous trompez. Et puis sur salim musala pas un juif azaka motema ya bienté. Dieu ne peut pas avoir un peuple comme ça à lui. Et donc ba kendeki oyebi histoire bien ba kendeki kokuluka place ya kolia facilement. Ndenge moko bakendaki na ba Mésopotamie kolia, ndenge moko bakendeki na Syrie kolia, ndenge moko Congolais pona kolia. Bakobete na Brazza akozonga lesusu, bakobete na Angola akozonga lesusu, bakobete na Zambia akozonga lesusu. Mboka moko kaka oyo beta kabiso te. Botika fanatisme, botika passé, jamais na yoka ke babeti ba Congolais na Rwanda bazongisa bango, jamais. Bolanda histoire bien. Mais na Angola ba beta biso, na Brazza ba beta biso, na Zambie ba beta biso, ba bengana ka biso de temps en temps. Na yokate na Tanzanie que ba bengani ba Congolais ba longwa ba longwa. Na yokate na Nairobi que ba longwa ba longwa. Wana za sije na biso te. Et donc tant qu'on ba komi, bo tanga histoire na mayele. Ba lobi après un temps, un Moïse s'élève. Bible Zoloba, il a été enseignant dans, élevé dans toute la sagesse égyptienne. Jésus père que kotanga kaka na Egypte nda yebi kotanga makomi aye na synagogue abandi pe ko discuter. Vous allez voir comment c'était. Et ce que dans la Bible, Moïse a une photo zonga. Pharaon a boya quitté. Mais comment dans la Bible, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. C'est-à-dire, Nzamba baloli maele à Pharaon à Kangabango. Ça ne vous dit rien. Ce que le Dieu a endurci, c'est-à-dire Moutoyo, Azama bête. Donc les Égyptiens ne sont pas mauvais. Bon, tu vas croire malukuta. C'est-à-dire les scénarios, nous avons mis ça là qui est selon la Bible. C'est ça. Maintenant, regardez. Na commis la place, il y a christianisme. Kimbanguisme, catholicisme, c'est-à-dire les abattoirs qui ont créé doctrine. Jésus ne connaît pas le christianisme, il ne l'a pas vécu. Christianisme, c'est une œuvre qui est en Romain. Paul Moutouali, il y a un chrétien, il y a Pierre, comme on l'a dit, au nom de Christ, vous serez baptisé. C'est-à-dire, Jésus, il y a un chrétien. Ayebi yangote. Christianisme, les ismes, ce sont des doctrines que les gens de la terre créent eux-mêmes et commencent à appartenir à ça. Et ça, le la constitution et la république est existant en mon côté. Moutoua créé en gros, à le sous le corps comme un konzaye. Christianisme, c'est une œuvre humaine, batouba sali et puis babandi koto sa yango. Christ n'a pas fait ça. Oh, il y a coûté en voyage avec Sangai. Et donc, tout le casico, le mot Christ vient d'où? Hébreu? Non. Arméen? Non. C'est un nom grec. Qu'est-ce que les Grecs ont à voir avec la supposée tribu de Jésus et tribu de Dieu? Qu'est-ce que ça a à voir? Parce que pas une abangona ba hébreu ba ko benga ye kombo ya Yoshua. Mais ba mindeli ba ye ko pesa Jésus Christos ba adapté en français Jésus-Christ. Nom propre ne change pas. Nom propre change à côté. Par exemple, le cas du bon français, exacté. Cas du bon anglais, exacté. Yoshua ne peut pas se retrouver en français ou en anglais. C'est faux. C'est que Christ, Jésus-Christ, est une invention occidentale. Mais Awa, Yoshua, Hamashia, le prophète, maître, a existé. Il y a eu aussi Maître Jésus en Europe. N'oubliez pas ça. C'est ainsi que vous allez voir que le christianisme, a un socle naïe, Rose Croix, franc-maçon. C'est ainsi que vous verrez tous les signes là-bas. Il y a franc-maçonnerie, il y a une église chrétienne. Étoile de David. Mais ne soyons pas bêtes. Attends, tant que la Bible soit au côté de place, David a une étoile qui est une étoile qui est une étoile qui est une étoile qui est une étoile. Toutes les étoiles ont été créées par le Très-Haut. David a une étoile à mon côté. Pyramide est une œuvre de Nubie. Au niveau de Nubie, na ba place aux Ezali ba Cameroun ko ba Soudan ba nini pyramide Ezali ki d'abord biloko ya mike Ezali ki ya ba 1m50 ba 2m 3m souka tango civilisation ne bandi ko se déplacer et comme na Egypte Egypte a salango ya minene makasi yango ezana ba ezaki na ba divinité na kati Oyo kurwa oyo ba yekolo ba croix de Jésus catholique a utilisé c'est muto ya liboso sala croix dans le monde c'est Akhenaton. Akhenaton c'est un égyptien, c'est un africain noir. Bazu yango ba komisi yango ya Christ. C'est pourquoi hein, la croix de Jésus est bête yo. Les catholiques vont comment utiliser vont ça ça vient d'ici là. Maintenant, regardez une chose. Il y a eu Kotoyo, Osiris, Isis, Horus, trois. Kotoyo, Yahweh, Yoshua, Esprit Saint. Mais tout le monde l'Esprit Saint, na physique, Yahweh, Yesu, Maria. Mibale, moi simoko. Ah, ouais, mibale, moi simoko. Mais bah, oh, bah, existait qui avant, bah, oh. Horus, bah, lobby, abotamaki sans le concours sexuel, y'a Osiris. Isis a joué qu'ils aiment kaka ndenge wana abotiye. Mais Horus Oyo a vécu 4000 ans avant que Jésus a commencé à bomoy. Tala c'est comme akambunyo so Isaac na Horus ba répéter ngue pas Jésus. Horus a yena mokili sans le concours du sexe. Ba lobi keza mystère. Koto ba lobi Jésus pe aye sans sexe. A se retrouver dans l'ibumouya Marie. A Horus, a se retrouver dans l'ibumouya Isis. Côté Oyo, Horus, nde moutaloba ki nzamba za moko ba za banzambe belete. E pona yango ba bomiye. A wapé ba lobi Jésus, a lobi nzamba za moko Yahweh, yalikolo papa nangai. Pona yango ba bomiye. Côté Oyo, Horus, 4000 ans avant Jésus, avait 12 adeptes. Jésus a eu quoi? Il a eu 12 apôtres. Bande kosiko total. Vous ne voyez pas que Jésus est allé apprendre en Égypte Makamboyu. Ndeye Batiango. C'est-à-dire, Abraham a appris, il a vu. Moïse a appris, ils ont vu. Baye kolisi batu la bango ya Palestine bonzambe o ezala kia wa Afrika bango pe bakomi yango ndenge wana bakomi kokoba c'est ainsi que comme la Bible eza ensemble ya histoire ya Egypte histoire romaine histoire syrienne basangisi na makambo ya Mésopotamie nde ba créer Bible na ndenge ba créer. Surtout au côté de l'émission Moussousou, vous allez voir que, biloko moko moko ezo ko se répéter, babo sanaki ke ba komaki angwa avec virgule et point. Vous comprenez? Nangambo baso démarrer mutuka, ce n'est pas un problème. Si vous m'entendez, c'est ça l'essentiel. Donc, tout ce qui a été ici, ba memi ango kotoyo, ba komo balolango e koma ya biso. E koma to dimana oyo. Mes chers frères, qu'est-ce que je voulais dire? Vous allez voir ici que le peuple minier ne va pas être trois. Les Occidentaux, les Orientaux et les Africains. Les Occidentaux ne sont maître Jésus-Christ. Na foi na bango ba créa pe Lucifer. Mais en Afrique, Lucifer est à la kate, diable est à la kate. Oyo a monique na kosi, a kende koluka kombo ya diable na ki africain. To adapté français, diable, na linga to komo lume diablo. Na kabalu a komo lume diablo nya ou ngenza nonko. Ba so ili diable, démon, ezan na France, ezan na Occident, bangonde bazalaki na mit na bango, ba créer iloko wana. ça n'a pas existé en Afrique. Mon diable en Afrique est zaté. Mon angelou en Afrique, ange, mon angelou, ça n'existe pas. En Afrique, mon limo, oui. Les anges sont des esprits. C'est le langage de là. Et, naba orientons, ba occidentaux plutôt, bazana Jésus-Christ, bazana Lucifer, et puis ba développer na secteur wana. Ba occidentaux ba oye ba zolanda, Jésus-Christ bazala le boye, ba oye ba zolanda Lucifer, les satanistes, bazali. Na occident bazan denge wana, denge bazo vivre. Na orient, bazana Bouddha, bazana Mahomet. Bouddha, nde akangi ebele kuna batikali na yango ba évoluer na yango ba changer yango te Mahomet pe ba arab ba changer te batikali na culture na bango les occidentaux ba changer ka biloko na mose pourquoi bible bi makara ba version ebele ba changer ka changer ka de romona le lobby Lucifer lobby démon lobby diable lobby ba former ba changer ka ils évoluent ils développent dans le bien ils développent comme dans le mal. Mais africain balongola enyonso balongola Osiris balongola Kimbangu balongola ekombo naye babomi culture naye babomi na spiritualité naye parce que yimoko africain biso ndenge toza zoba maintenant ba puissance nyonso ya Afrique oh, ils allaient qu'en Égypte, dans Nubie, ndeba occidentaux bazui, ba saleli yango na christianisme, ba komo sala ngo na ba miracle, et puis vous attribuez ça na Jésus yo ba présenté bino boye, alors que Yoshua, oyo ya Palestine, ya Nazareth, ba bomakai, abomaka ba oyo ya minene ya spiritualité ba yaka, mais alongi te ko boma Bouddha. Alonga kite kotowana. Bango batikala ki makasi. Alonga kite ko elimine Mahomet. Mahomet de toutes les façons avec Yoshua bana ya kote moko. Okomona na église ba signe oyo na lakisa kiawa eza na franc-maçon. Bazwa nyonso. Mais okomona na ba église ya réveil ba komoko tia oyo bazo benga étoile de David. Je vous ai dit que David n'a pas une étoile. Et ça, signe, il y a science ésotérique, science occulte. Église a rêvé, belé, et ça, occultiste. Ne rêvez pas. C'est comme ça. Babranamiste, vas-y, pyramide. Oyo, va finir avec la prédication, avant que les Égyptiens soient embêtés. Babranamiste, vas-y, et pyramide, va tirer, boye. Parce que bazaba franc-maçonnique pour d'accord tromper si koyo bino ba komi na pyramide église de Thyatire église de Pergame église de Laodicée église de Sissi ça trompe le problème c'est la pyramide et ça na coiffe nango ya lisu ya Osiris ya Isis liswana. Les chrétiens, il y a États-Unis, bâti si koyo lisu na dollar. Et puis l'église est arrivée, il y a le dollar ma kasi. Parce que c'est la même chose. Bandeko, oyo ba kruara kake. Église chrétienne, eza oyo ya Yoshua Hamashia ba changea kombo, il se trompe. C'est une autre église de l'Occident. Na lobite keza mabe. Et ça c'est le foi occidental. Ça n'a rien à voir même avec l'Africain. L'Africain aussi a sa divinité où il faut développer. Ma wapon africain a boy na motema moko a lingi kaka. Pe batu bazaka na lokumu soki a lobina za chrétien zo sepela makasha za fier. Akomona kimbanguista seki. Parce que ba longoli biso bo moto. Ba changer yo kombo. Parce que le combo chrétien. Mais chrétien, combo wana. Et ça y a Israël. Et ça y a Europe. Mais ça, il y a les États-Unis. Il y a des non-chrétiens, c'est-à-dire leur divinité, Christ est là. Ndeboza ko asanse c'est tout. Comme on a bien au boboyango. Boboyina culture ba tu mususu po aller na mabogo comme problème fourchette. Parce que à mon que se ménager Dieu, c'est là le problème. D'où na ba solution mususu to banda ko proposer na ba blocage. Blocage ebele fungwa makate na prière et à église jamais. Pour terminer mon propos, Kende nandoki une église chrétienne, jamais bolongolé kindoki. Jamais, ça n'existe pas qu'on ne vous mente pas. Babanda ka kobonde laye. Tolo bareka kati mokolo akotika parce que le sorcier s'il veut, il laisse. Alors, pourquoi vous dites que Nzambe toza ko sambela ça puissant. Mais akomo ko négocier na sorcier. C'est là qu'il faut réfléchir. D'où la sorcellerie africaine, oyo, tout ça qu'on souffre aujourd'hui, église moutoué, tient bien sa faiblesse. Parce que la société n'a bien son ancienne, hein, sorcier, tu es pas quand il y a des kanga, sorcier, pas silly. Bon, tu as la lélo, il va sorcier, il va s'aïe, il va la puissance africaine, à quoi il va salier cérémonie, ce qui a pour moi à koufi. Bah, il va kindenge à maîtriser le koan. Mais l'église chrétienne ne maîtrise pas les choses, les affaires. Au moment où le pasteur est en train de se faire, il va se faire un peu de temps, il va se faire un peu de temps, il va se faire un peu de temps, il va se faire un. Alors, si vous ne développez pas votre propre divinité, votre propre spiritualité plutôt, il n'y aura rien pour l'Afrique. Il n'y aura rien si c'est de rêver. Pour preuve, tu as sali près d'un siècle. Dans le christianisme, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien alors qui marche. Tu te dis dans le coup, je suis chrétien. Même l'autorité a payé, il n'y a chrétien. Mais ce que l'on dit, l'autorité a payé, tant que le président comme le président en Afrique, il y a des francs-maçons, il y a des rose-croix, à côté de la banque. Et tant que le président comme le président, il y a toujours mal en Afrique, mais il servira à. Et si on a dit que l'église, ce qu'on a dit, maintenant, il veut que ça soit la franc-maçon, tu vas te sacrifier jusqu'à sacrifier tes membres de famille, ton peuple ou ta vie pour ici. C'est ainsi que le président nous a dit que la franc-maçonnerie a dit un peu à cause de la torture africaine. Parce que tu penses à mon Congo, la spiritualité n'a pas mon corps. Et ça n'ira pas, j'insiste. Si on a une porte pour voler hamburger et sili. Le coup de l'image à Mouton, à Monaki, à Zoloba, le président Félix Zali Boma, Ganaya Kounanati, hamburger, Moussouni Boy. C'est comme si Moussouni est à la Kawate. Parce que le noir est travaillé. Balongola noir est si kanza, bachaye, na puissance, na ba komisa et loko pamba. Tout le monde vient faire l'expérience sur le noir. Bato yo basala ba invention ebele ya ba œuvre ebele oyo occident zo sala nango ko dondo nango noir azala ki soka inventé asi di ba changer combo ou bien ba bomiye ete ya bino papa maman o vandi na Royaume-Uni tope ozala ndeko na Londres pesa esango ya agence de fret ya ba professionnel ya ngoyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Ben à Kinshasa, Tozan Avenue Bouburu numéro 9, Matongé 2, commune Yakalamu, référence école Monseigneur Moke, Van Ezakoyananda en Angleterre, pour na kozwa biloko pe kotinda na Kinshasa. Kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, tope biloko ya ndako mobimba. Kafret, otindi milisi. Et comme il peut m'aider, yo osana nord, topé na sud ya Angleterre, ben ma biso na ba numéro oyo. Kafrek, ezan Angleterre, si na ekot. Kafrek, esa la kape fête aérien. Pour plus d'infos, visitez notre site web na www.kafrek.com.